Annexe 5. Le E muet. On ne prononce pas toujours la lettre E. Cela dépend de sa position dans le mot. À la fin d'un mot. On ne prononce pas la lettre E quand elle est derrière une voyelle. La rue. Je vous remercie. Elle est mariée. Quand la lettre E est derrière une consonne, on prononce la consonne. C'est une façon de faire la différence entre le masculin et le féminin. Étudiant. Étudiante. Brun. Brune. Au milieu d'un mot. On prononce la lettre E après deux consonnes prononcées. Vendredi. On ne prononce pas toujours la lettre E quand elle est entre deux consonnes. Samedi. Samedi. Chantera. Chantera. Demander. Demander. On ne prononce pas toujours le E de je, me, te, se, ne, de, se. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Tu te prépares. Tu te prépares. On se met à table. On se met à table. Vous ne partirez pas. Vous ne partirez pas. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Tu connais ce pays? Tu connais ce pays?